Le Nouvel Hebdo a fait un bel article aujourd'hui ou encore cette semaine sur le Mont Allemand. Le Mont Allemand, c'est quoi? C'est un mont qui est situé à 42 km au nord de Saint-Ludger-de-Milo, donc les chutes des passes pour les gens qui sont dans la région. Et c'est un mont qui semble être en plein développement. Quoi qu'il en soit, on va parler avec un des bénévoles qui est impliqué dans ce mont-là, c'est Guillaume Tremblay. Salut Guillaume! Bonjour. Guillaume, je n'ai entendu parler la semaine passée pour la première fois. J'avais jamais entendu parler du mont allemand. Le Nouvel Hebdo m'a pris de court et a réussi à faire une entrevue avec toi. Mais écoute, ça fait combien de temps ça existe, le mont allemand? On est à notre cinquième année d'existence. Là. La première année, c'était plus ou moins connu. Là, c'était plus ou moins officiel, mais la deuxième année, ben on officialisait ça avec un partenariat aussi avec la Fédération québécoise de montagne et d'escalade, là, qui chapeaute un peu le développement du ski alpin au Québec, là, qui nous ont donné un petit coup de main. Fait que ça fait ce temps-là, là, ouais. Mais ça fait beaucoup plus longtemps que ça existe, là, parce qu'on appelle ça ce que j'ai su à travers les branches, on appelle ça le Mont Allemand parce qu'il y a eu des Allemands qui étaient prisonniers durant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Ben, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un nom officiel, là, mais ouais. Effectivement, il y a un lac qui s'appelle le lac des Allemands qui est à proximité, qui avait un camp, que des prisonniers ont été envoyés un hiver là. Puis je sais que les personnes un peu plus âgées l'appelait le mont des Allemands parce que quand on passe sur le chemin des passes, ben on le voit justement pas très loin. Fait que c'était pas officiel, mais on peut dire qu'on l'a peut-être officialisé en développant la montagne. Là. Comment ça a commencé? Tu dis ça fait 5 ans qu'on est là-dedans. Comment ça a commencé, ça? Je veux dire, qui a vu quoi puis a vu le potentiel là-dedans? Ben, je te dirais que c'est moi, principalement, parce que j'ai beaucoup travaillé en forêt, puis je voyais qu'il y avait des super belles montagnes un peu partout au nord du lac Saint-Jean quand on s'éloigne de la plaine. Puis j'avais commencé à faire du ski hors-piste peut-être 2-3 ans avant de commencer le projet, puis je trouvais qu'on n'avait pas de place, justement, au lac Saint-Jean à proximité. Il fallait aller dans le Bas-Saguenay, au Mont-Édouard, ou c'était aller en Gaspésie aussi, qui est une des places les plus réputées pour ça au Québec, fait que avoir aussi la qualité d'enneigement qu'on avait dans le secteur, puis le potentiel, ben j'ai dit, garde, on était une petite gang en enfer au lac Saint-Jean, on était pas très nombreux, là. Je te dirais que c'était encore assez marginal à l'époque comme sport au lac Saint-Jean, mais on a entamé les démarches justement pour avoir les autorisations, les permis, consulter aussi les autres organise sur le territoire, là, parce que sur le territoire de la ZEC, là, il y a des autochtones aussi. Fait que on a consulté un peu tout le monde, puis avec la MRC aussi. Fait qu'on a eu les autorisations nécessaires, puis on a enclenché ça. Là. OK. Donc on dit que c'est aussi gros que le mont que le Valinois. Est-ce que c'est vrai? Ouais, pas aussi gros, je te dirais. Quand même plus petit. Des montagnes, évidemment. Ouais, ben c'est plus bas un peu, là. Je te dirais qu'il y a 220 mètres de dénivelé. Le Valinois, c'est à peu près un peu plus que 300. Mais moi, j'ai pas les données officielles, là, mais ça se compare peut-être plus au Mont-Lac-Vert comme hauteur de montagne là, que le Valinois, là. OK. Si on parlait un peu maintenant des gens, donc toi, t'as vu ça il y a 5 ans. T'as monté, j'imagine que tu me dis qu'il n'y avait pas grand-chose dans le fond pour le 5 ans, donc j'imagine que tu as monté le mont pour en arriver là. Comment ça, pour aller là? Ouais, ben c'est ça, on a marché le terrain pour voir si c'était correct, parce que c'est pas n'importe quelle montagne qui peut s'aménager, on va dire, pour le ski. S'il y a des replats, ça marche pas, donc il y avait une belle pente constante avec des sauts, des petites falaises aussi. Le terrain avait l'air vraiment le fun. Fait qu'on, vu que je travaille en forestier, je suis quand même habitué. Là, fait qu'on a rubané les pistes. Puis à chaque automne, on donnait à peu près 3 fins de semaine là, avec une gang de bénévoles. Ben, on allait là pour éclaircir un peu la forêt pour la rendre skiable. Le but, c'était pas de faire des pistes comme des stations de ski non plus. Là, c'était juste de l'éclaircir un minimum pour que ce soit skiable. Puis ça a l'air quand même naturel encore. Là. OK, donc c'est Puis là, j'imagine que c'est il y a eu plusieurs heures de demi par vous autres quand même, là. Parce que si C'est des milliers, oui. Il y a beaucoup de bûcheurs de fêche, j'imagine aussi, là. Oui, c'est ça. On est à peu près en moyenne, je dirais, 10-12 bénévoles par année à aller à chaque automne. Puis ben alors, j'ai pas les données devant moi, là, mais tu sais, ça fait quand même des milliers d'heures, là, c'est certain. Là. OK. Là, c'est quoi, là, actuellement, cette année? Moi, le fils de mon cousin il est allé deux fois cette année. Il dit qu'il y a à peu près une cinquantaine. Quand il est allé, il dit qu'il y avait à peu près une quarantaine de personnes. D'abord, est-ce que c'est aménagé? Est-ce que en haut de la montagne, on me dit qu'il y a comme un petit camp pour se réchauffer, c'est ça? C'est à la base la montagne qu'on apporte. On a acheté une espèce de cabane à pêche. Okay. Sur roue, parce qu'il faut, en tout cas, on a des ententes avec les organismes sur le territoire, puis on peut rien laisser là de permanent. Fait qu'à chaque printemps, on sort le refuge, puis on le ramène à la fin de l'automne aussi. Là, fait que il y a un petit refuge, c'est pas grand, là, c'est 8 par 10, mais tu sais, ça fait la job s'il y en a qui. Parce qu'on l'a vu au mois de janvier, là, il a fait assez froid, là, quand il y a des personnes qui peuvent avoir des engelures un peu, des trucs comme ça, ben. On a le refuge avec un petit poêle à bois qui est là pour, par mesure de sécurité, effectivement. OK. Donc là, c'est quoi? Donc, il y a à peu près quoi cette année? Il y a combien de monde? Parce qu'on me dit que ça vient de Montréal, ça vient d'un peu partout, là. Ce qui est. Effectivement. Oui, parce que. Ben, on l'a vu encore cette semaine, là. On a eu une super belle tempête, là. Dans le fond, dans le sud, à partir de Québec puis au sud de la région de Québec, ben. Ça a tombé en pluie puis en verglas, puis on voit avec les réchauffements climatiques, on dirait que les hivers s'en viennent de moins en moins bons dans le sud du Québec. Fait que pour avoir de la qualité de ski, ben il faut que les personnes aillent un peu plus au nord. Donc on est en train de devenir presque un refuge climatique, on va dire, pour les skieurs, puis la Gaspésie, puis Côte-Nord, il y a encore aussi des beaux hivers là, avec le Saguenay puis le lac Saint-Jean. Ouais. Mais bref, je pense que c'est un peu ce phénomène-là qui fait que. Puis il y a beaucoup de monde aussi plus au sud du Québec, puis les sites sont un peu saturés là, pour avoir du ski de qualité. Donc je pense qu'il y en a plusieurs qui prennent la décision de monter au nord. Donc si vous l'avez pris, vous l'avez fait où? Vous l'avez fait où? Vous êtes une gang de bénévoles, donc c'est quel organisme? Et à quel endroit vous l'avez fait? Tu parles de. J'ai manqué un bout de publicité, ça? Ouais, ou... parce que ces gens-là viennent de Montréal. Il faut qu'ils l'aient appris quelque part, là, qu'il y a ce mont-là. Là. Où vous faites ouais, ben, ouais. Ça vient de notre collaboration avec la FQME, là. Parce que, ben, eux, nous backent un petit peu pour rembourser nos dépenses, parce que ça a beau être du travail bénévole, ça nous coûte quand même une couple de milliers de dollars à chaque année en frais de location, en essence et en tout cas plusieurs trucs. Puis, ça nous donne une assurance responsabilité aussi. Si quelqu'un se blesse sur le site, ne peut pas nous poursuivre. En tout cas, on a une assurance pour ça. Puis, quand les personnes prennent leurs adhésions à la FQME, sont assurées aussi s'ils se blessent en cas d'accident. Donc, c'est pratique pour ça. Puis, la FQME a fédéré plusieurs sites au Québec. Donc, sur le site Internet de la Fédération québécoise de montagne et d'escalade, ben notre site est répertorié, puis il y a une carte du secteur aussi pour que les personnes sachent un peu le terrain, comment il est fait, puis se repérer dans la montagne. Avez-vous l'intention de pousser votre projet plus loin et d'en faire un genre de site, une activité touristique? Parce que ça a du potentiel. C'est vrai que ça n'a jamais... ça aurait du potentiel. Ouais. Sauf que c'est notre... Ben, c'est pas une grosse montagne. Là. Je dirais qu'il nous reste peut-être une dernière phase d'agrandissement. L'année prochaine. Je voulais pas aménager l'ensemble de la montagne non plus, garder des sections non éclaircies pour garder la neige, que le vent rentre pas trop dans la montagne. Puis je verrais qu'il pourrait y avoir de l'expansion, mais dans d'autres montagnes ailleurs au lac Saint-Jean, là, il y a du beau potentiel. Dans les vallées de nos grandes rivières, là, comme la rivière Mistassini au nord de Gérardville, il y a des beaux potentiels. Sur le chemin Beauhauteur aussi. Le long de la rivière Mississippi, il y a des super belles montagnes plus haut aussi. Mais nous autres, on n'a jamais eu comme objectif de privatiser ou de faire de l'argent vraiment avec ça. Ça a toujours été un peu plus dans l'optique. On est en territoire public. Puis, on va dire, de démocratisation de l'accès à l'activité. Mais effectivement, ben, plus on le voit, puis il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui vient. Donc, c'est sûr que ça a des retombées Ben, c'est Ben, ça. on va dire là, dans la région, là. Je vois beaucoup de Français. Je verrais que ça aurait du potentiel, mais il s'agit de te faire aider. Vous changez-tu un prix d'entrée pour. Parce que, tu sais, vous ne veux pas, là, il y a quand même des coûts pour entretenir ça, là. Est-ce que vous changez un petit prix d'entrée pour au moins assumer les coûts? Ouais, ben c'est ce qu'on demande, c'est l'adhésion à la FQME, la Fédération québécoise de montagne et OK. d'escalade. C'est soit 10 $ par jour ou 32 $ pour la saison. Ça On sert peut à aller la entretenir chercher. ça sert à entretenir Ouais. OK. Il y a une partie de cet argent-là qui est retournée directement à notre organisme, puis il y en a une partie qui va à la Fédération. Puis effectivement, c'est en plus d'assurer les skieurs, ben ça redonne l'argent aussi. Mais on a un organisme, puis il y a des personnes qui nous font des dons aussi un peu, fait que ça, on dit jamais non, là. Ça a des belles retombées, je pense, puisque dans l'article du Nouvel Hebdo, vous dites que Saint-Eugène-Millau et Saint-Henri-de-Taillon, il y a des chalets qui se louent, des gens qui viennent de l'extérieur, là, pour ils louent des chalets pour justement venir au Mont-Tremblant, là. Oui, effectivement. Puis c'est une nouvelle clientèle aussi qui serait peut-être Ouais. pas venue dans le secteur. C'est plus un produit de niche, mais tu sais, c'est pas des personnes qui font de la motoneige, qui Non. viennent de, qui est peut-être plus, on est peut-être plus réputé pour ça dans le secteur, mais effectivement, là. Donc, vous prévoyez combien à peu près quoi? 10 000 personnes, pas 10 000, mais 5 000 personnes peut-être dans l'année qui vont venir skier dans l'année? Parce que j'imagine vu que ça commence plus tôt puis ça finit plus tard, là. Ça doit aller jusqu'au mois de mai quasiment, hein? Ça dépend des hivers. L'année passée, ça n'a pas été Ouais, ben il un fait beau. hiver terrible, mais cette année, ben, normalement, on skie jusqu'à presque mi-avril, fin avril, dans ce secteur-là. Puis là, combien qu'on va avoir de monde? On n'a pas de statistiques officielles, mais j'estime à peu près une centaine de personnes par semaine. Donc, si on fait 10 semaines de ski, ben, on va sûrement dépasser le 1 000, puis c'est plus que ça. Comme là, il y a la semaine de relâche la semaine prochaine. Est-ce que c'est possible de penser que ça va être un petit peu plus? Ouais, c'est certain. On le voyait déjà par les années OK. passées qu'il y a encore plus de monde de l'extérieur qui viennent, des étudiants entre autres, OK. qui viennent passer une couple de jours dans la région. Fait que je suis certain que la semaine prochaine, ça va probablement être notre semaine record en termes d'achalandage. OK. Ben, c'est pas mal le fun. Moi, je vais dire une affaire. J'avais jamais, jamais entendu parler de ça aller jusqu'à la semaine passée. Puis là, je cherchais quelqu'un pour faire un reportage là-dessus. Puis finalement, ben, c'est pas mal le fun. Le Nouvel Hebdo en fait un. Puis ils m'ont aidé à te rejoindre. Fait que pas mal le fun de savoir. Puis des fois, des fois, il y a quand même assez capoté qui se passe. Puis on sait pas que c'est ici, hein. Fait que c'est assez spécial. Ben, Guillaume Tremblay, félicitations. Peut-être un plaisir de se reparler un autre tantôt. OK, ça m'a fait plaisir. Voilà Guillaume Tremblay qui est impliqué dans le Mont Allemand, un mont qui est situé à 42 km au nord de Saint-Eugène-Millau, où on fait du ski alpin.